c'est KRL. À Québec. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, au programme un peu de musique techno minimale. Donc, une émission quand même assez smooth. Je vous invite, par contre, à mettre le volume dans le fond. C'est toujours plus efficace de cette façon-là. Donc, cette semaine, donc, on va débuter avec un artiste publié sur Innoquo. Donc, c'est un net label vraiment prolifique. C'est tiré d'une compilation intitulée 60. Donc, c'est le 60e album sur l'étiquette Innoquo. Il s'agit de Diego Palacios. Je vous fais entendre sa pièce Arrhythmic. Tout de suite après, ça va être Mox avec Cool Breathe. Mox qui est publié sur l'étiquette, attendez un peu, Al Dente Records, donc une excellente étiquette française, toujours du matériel vraiment intéressant sur Al Dente. Puis ensuite de ça, je vais vous faire entendre une pièce de Moderate. La pièce s'intitule A New Error. J'avais trouvé ça sur l'excellent Accelerate, blog musical, donc on va écouter ça. Donc on débute tout de suite Web Music avec Diego Palacios. Waste of time. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre une pièce de Moderat. Moderat, c'est un donc duo formé par Apparat et Mod Selector. C'était la pièce New Error publiée sur B-Pitch Control. Avant ça, de la France, c'était Mox avec sa pièce Cold Breathe. C'était publié ça sur Al Dente Records. Puis enfin, on avait débuté l'émission avec le Mexicain Diego Palacios avec ta pièce Arythmique. Ça, c'était publié sur l'étiquette espagnol Inocuo. On poursuit avec un artiste russe nom de Inverted Anima. C'est publié sur Deep X Recordings. On entend tout de suite la pièce Empty. All right. dimanche à 21h, La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Papa! Vous ne l'entendrez plus jamais vous dire. Papa! Vous avez bien vu les panneaux oranges à l'approche du chantier routier, mais vous avez traversé le chantier sans en tenir compte, collé sur l'auto devant vous. Vous n'avez jamais eu le temps de freiner. Et sa voix... Papa! C'est éteint à jamais. Quand c'est orange, on redouble de prudence. Un message du gouvernement du Québec. Mon amour. Vous ne l'entendrez plus jamais vous dire. Mon amour. Vous avez vu les panneaux orange à l'approche du chantier routier, mais vous avez traversé le chantier sans ralentir et sans tenir compte des consignes du signaleur. Vous avez frappé la bétonnière de plein fouet. Et sa voix... Mon amour. C'est éteint à jamais. Quand c'est orange, on redouble de prudence. Un message du gouvernement du Québec. L'Ampli lance un appel de candidature aux artistes de la relève musicale pour la prochaine cuvée de son volet pro. Faites vite car il prend fin le vendredi 7 septembre 2012. Vivez un encadrement d'une durée de 10 mois et propulsez votre carrière. Consultez la section volet pro du site pour tout savoir. Procurez-vous la compilation 2012. Je serais allé au bout du monde, je serais parti, je t'aurais suivi. J'avais déjà décollé, j'étais rendu au 7e ciel, mais ton avion était parti. J'ai acheté des draps bien jolis avec des petits pois. Je t'ai mis le temps d'une chevette. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca. 88 977 9764. L'Ampli remercie l'incubateur de musique francophone, Sillon le Disquaire, Archambault, Voir Québec et CKRL 89.1. L'Ampli est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville CKRL de Québec. CKRL 89.1, Québec. De retour à Web Music pour la deuxième partie de l'émission. Tout juste avant la pause, on entendait Inverted Anima. Ça nous venait de la Russie. C'était la pièce Empty, publiée donc sur le net label d'Apex Recordings. Pour ceux qui viennent se joindre à l'émission, ben, je vous rappelle que tout ce que vous entendez, ben, c'est possible de le télécharger gratuitement. Vous allez sur le site de Web Music qui est au www.webmusic.ca. Donc, vous avez la playlist de l'émission, vous avez les liens vers les artistes, les netlabels, donc tout ce qu'il vous faut pour télécharger ce que vous entendez à l'émission. Donc, on va poursuivre avec un artiste, cette fois-ci, de Sao Paulo, au Brésil. C'est Green Cross. Je vous fais entendre la pièce « O Melhor ». C'est publié sur l'étiquette Antirythmo. Je viens de me rendre compte que je crois que l'étiquette a oublié de payer pour leur nom de domaine, donc... Pour l'instant, leur page n'est pas en fonction, mais sur la playlist, je vous ai mis, c'est possible de télécharger sur Sonic Squirrel. C'est un site web qui se spécialise donc dans la musique gratuite. Heureusement, ils gardent les copies, donc vous pouvez toujours télécharger l'album de Green Cross. Ensuite de ça, sur Breathe Compilation, une étiquette qui nous vient du Mexique, on va entendre Frolar avec la pièce Circulo Polar. C'est un remix par In Vitro. Puis, c'est ça. Je vous reviens tout de suite après ces deux pièces-là pour la suite de Web Music. du Mexique. Donc, c'était Frolar avec sa pièce Circulo Polar. C'est un remix par In Vitro, publié sur l'excellent netlabel The Breathe Compilation. Avant ça, de Sao Paulo, Brésil, c'était Green Cross avec sa pièce O Melhor. C'était publié sur Antirythmo. Pour la suite de Web Music, je vous propose Crown avec la pièce Red Particles. C'est publié ça sur l'étiquette écossaise Black Lantern Music. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Red Particle. C'est par l'artiste Crown. C'était tiré de son album Distorted Thoughts. C'était publié donc sur l'étiquette écossaise Black Lantern Music. Ça va malheureusement déjà être tout pour Web Musique. Je vais vous laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vous invite à continuer à écouter après. C'est l'émission La Croche-Oreille en rediffusion. C'est l'équipe de Jean-Pierre Gay qui vous fait découvrir la musique, donc tout ce qui a trait à l'art audio. Donc, restez à l'écoute, ça vaut la peine. C'est toujours très intéressant comme émission. Donc, nous, on va se quitter sur une pièce d'un artiste hongrois du nom de Kemonoid. Je vous fais entendre la pièce Afraid of Daylight. C'est publié sur Digital Diamond. Donc, on va se quitter là-dessus. Puis, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.ca pour télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous avez aussi accès à la balado-diffusion. Donc, c'est ça. On se quitte sur Kemonoid. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Musique. Thank you.